guests and guests. Bon, on fait une chanson. Moi, j'aime bien Dire Straits. Écoute, Titi, tu connais pas ce morceau? C'est quoi ce morceau de Dire Straits, ça? Font un peu. Non, vous aimez pas Dire Straits? Bon ben, moi j'aime bien Dire Straits. Pas cette chanson. Lovely balance. Très bien. Will you take me? Thank you. Tears of blue, melting through your dark.